Y a-t-il encore une philosophie de l'histoire? Ce qu'on appelle traditionnellement une philosophie de l'histoire, ça n'est pas seulement une philosophie qui parle de l'histoire, ça n'est même pas seulement et peut-être pas du tout une philosophie fondée sur l'histoire et qui ferait tout dépendre dans notre vie des faits historiques et de leur relativité. C'est au contraire, traditionnellement en tout cas, une philosophie qui donne à l'histoire en général un fondement dans la nature humaine ou dans un principe métaphysique et un sens, appuyé évidemment sur ce fondement, un sens global, un sens qui l'oriente d'une façon générale et pour toute l'humanité. Le modèle en est double. C'est la philosophie de Hegel, transformée ensuite par l'un de ses grands disciples qui a prétendu remettre l'histoire sur ses pieds et qui n'est autre que Karl Marx. Pour la philosophie de l'histoire de Hegel, les choses sont très simples. C'est dans la nature même de l'humain, de l'esprit humain qui elle-même est fondée sur la nature de l'esprit en général qui anime l'univers, d'avoir une perspective historique, de se situer dans l'histoire. Pourquoi ? Parce que l'homme est l'être qui nie la nature, qui s'arrache à la nature par son esprit, par sa connaissance, par son travail. Et il y a donc entre la nature et l'homme un rapport de contradiction qui prend une forme temporelle, une forme dynamique. Et la naissance de l'esprit humain sur la planète est la constitution d'une perspective historique qui doit l'orienter pour réaliser finalement, peu à peu, le sens implicite, le sens profond, le sens immanent de sa nature qui consiste à s'opposer justement à la nature, à s'opposer par le travail, à construire des institutions, à construire une histoire universelle. Cette dimension que certains ont rapprochée d'une histoire religieuse, mais transposée au niveau de l'humain, Karl Marx a ensuite prétendu la ramener sur la terre. Il y a toujours pour Marx une contradiction entre les humains et la nature, mais elle est purement matérielle. Les humains sont les êtres qui, pour se réaliser matériellement, transforment la nature, construisent une sorte d'histoire universelle, d'une émancipation dans la matière elle-même et à travers l'expérience de leur liberté, de leur travail, de leur rapport de force. Et il y a donc cette histoire qui s'arrache à la nature et qu'aujourd'hui certains ont renversé en disant justement que l'erreur de ces philosophies de l'histoire, c'est d'avoir nié la nature et d'avoir mené la technique, le travail humain à une sorte de contradiction avec la nature. S'il y a encore une philosophie de l'histoire aujourd'hui, elle n'est plus fondée sur un esprit ou sur une liberté, mais au contraire sur une limite et peut-être plus sur un progrès ou une émancipation, mais sur la catastrophe. Y a-t-il encore une philosophie de l'histoire? Est-ce que ce serait fondé sur l'erreur d'arracher l'humain à la nature et la catastrophe qui nous menace. En réalité, peut-être qu'il n'y a plus de philosophie générale de l'histoire, fondée sur un sens profond métaphysique de l'histoire en général. Peut-être la philosophie doit-elle être plus modeste, interpréter les actes historiques profonds des humains, la manière dont ils s'émancipent, la manière aussi dont ils vont vers la catastrophe, tirer parti des grands actes qui transforment la nature et l'humanité, interpréter l'histoire philosophiquement, plutôt que prétendre la fonder et l'orienter une fois pour toutes.